Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Issu d'une famille protestante cévenole, André Chanson aura été toute sa vie fidèle à l'esprit de résistance camisard, comme à une tradition républicaine et dreyfusarde reçue en héritage. Actif militant antifasciste dans les années 30, soutien du Front populaire, André Chanson fut de ceux qui s'engagèrent en Espagne aux côtés des Républicains. Conservateur de musée, après sa démobilisation en 40, il dirigea l'évacuation des chefs-d'œuvre des musées nationaux, du Louvre en particulier, avant l'entrée des troupes allemandes. Après avoir rejoint les maquis du Lot, il devait ensuite participer au combat de la libération totale du territoire au sein de la brigade Alsace-Lorraine de Malraux, intégrée à l'armée du général Delattre. Élu à l'Académie française en 1956, André Chanson devint, 3 ans plus tard, directeur des Archives de France. Disparu en 1983, il laisse une œuvre littéraire importante d'essayiste, d'historien et de romancier, profondément marquée et inspirée par l'histoire des Huguenots des Cévennes. En 1971, André Chanson participait sur France Culture à l'émission « Les mots-clés » où il lui était proposé de dire ce que lui évoquaient les mots que lui soumettait Pierre Lost. Cher André Chanson, vous connaissez la règle du jeu de notre émission Les mots-clés. Je vais vous proposer, dans un désordre organisé, un certain nombre de mots ou de noms qui doivent immédiatement déclencher quelque chose en vous. Vous êtes prêts ? Allons-y. Les ancêtres. Oh là là, les ancêtres, une longue lignée, ça plonge, ça va loin. Après tout, j'ai passé ma vie, la moitié de ma vie, avec les ancêtres. Le thème des ancêtres, la présence des ancêtres, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Jean-Pierre Chanson, le galérien. Jeanne Mazoric, la tante, la grand-tante de ma femme. Le Chanson qui a été tué à la bataille de Friedland. Tous des camisards, les paysans, les hommes des Hautes-Cévennes. Je suis une espèce de chinois à cet égard-là. Je crois que la présence ancestrale est surtout forte sur la planète, dit-on, chez les Chinois. Je n'ai pas l'impression que je leur rende des pions. J'aurais vécu avec eux. L'enfance. Mais l'enfance est comme les ancêtres, vous savez, ça se tient. L'enfance, c'est ce qui vous relie aux ancêtres. C'est le moment où ce que je crois les psychologues appellent l'inconscient collectif se développe en vous. C'est le moment merveilleux où on est soi tout en étant les autres. Où on est soi, je dirais, pour paraphraser Balzac, à qui j'ai pris la phrase, je me la suis appropriée, où on est en train de devenir ce qu'on est. Lourde tâche, difficile tâche, parce que les trois quarts des êtres humains ne deviennent pas ce qu'ils sont. Ils s'arrêtent en route. Et alors devenir ce qu'on est, à travers l'enfance singulièrement, et avec le poids des ancêtres, c'est vraiment le métier de l'homme. 17 ans. Ah, alors là, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. C'est l'époque trouble. Oui. Vous voyez, je retrouve ma jeunesse, je retrouve mon enfance. Et les années précisées me déconcertent. Je ne sais pas très bien pourquoi. Oh, c'était pas si commode d'être un jeune homme, même il y a combien, 50 et quelques années. Nos cadets croient qu'ils ont inventé la mode des difficultés de devenir un homme. Non, ça existait aussi. Et voyez, votre 17 ans, j'aurais pu vous répondre à merveilleux le printemps, l'aurore, etc. Un peu gêné. Le Languedoc. Oh ben, comme on dit maintenant dans ce charabia hexagonal ou je ne sais quoi, c'est mon impact sur la planète. Mais c'est beaucoup plus sérieux qu'un impact sur la planète. L'impact sur la planète, il y a de quoi faire rire les singes, comme on dit dans le grand monde. Mais le Languedoc, oui, c'est par là que j'adhère à la planète. Vous savez, il y a une très magnifique coutume chez les Crétois. Quand un enfant naît 40 jours après sa naissance, c'est, je crois, Prévelakis qui raconte ça dans un de ses romans, la mère prend l'enfant et délangée avec ses petites jambes nues. Et alors, elle va dans la campagne et elle pose les pieds de l'enfant sur un rocher. Et elle crie « Réjouis-toi, terre !» Les pieds du petit homme te foulent. Les galères. Alors là, nous rentrons dans une spécialisation. Comment dirais-je ? Je suis devenu un peu l'homme des galères. Parce que, voilà, il y a eu ce grand-père dont on m'a parlé pendant toute mon enfance. Parler, tradition familiale. Il y a eu un grand-père lequel, on ne sait pas très bien, mais ça se garde dans les familles, qui est mort à l'hôpital des Forçats, qui a été galérien. Vous pensez bien qu'il y a de quoi faire rêver un jeune garçon, surtout quand le galérien n'est pas un homme, un bandit de grand chemin, un cartouche ou un mandrin, mais un homme qui est allé là, simplement parce que il avait une foi qui n'était pas celle du prince à ce moment-là. Alors on est dans le récit des héroïsmes. Mais alors quand on devient archiviste après ça, vous pensez quelle aubaine ? On se précipite à toute vitesse sur le grand-père, on retrouve son nom dans la matricule des galères, et puis on écrit un livre qui s'appelle La Superbe. Mistral. Ah, un de mes regrets, non pas parce que, comment dirais-je, Mistral a occupé toute une façade de ma vie, mais un regret parce que je ne l'ai pas connu, j'aurais pu le connaître, j'aurais pu être le petit garçon de 13 ans, 13 ans et demi, 14 ans, qu'on amène chez le grand poète. Mais après tout, il me semble que je le connais. Vous savez, c'est un très grand poète, et c'est un très grand poète dans une langue qui est un secret. Car tout de même, nous ne sommes plus tellement nombreux. Oh, tellement nombreux, si, quand même. Il paraît qu'il y a à peu près 8 millions d'ocophones. Vous savez, 8 millions de personnes qui sont capables de parler et surtout de comprendre le provençal, ce qui, pour l'usage de Mistral, est le principal. Alors, Mistral, oui, c'est une grande découverte. Je n'avais pas 17 ans, j'en avais 16. Quand, sur un voyage fait à Arles, avec mon professeur de mathématiques, qui était une jeune personne, une jeune femme, nous étions en 1916, c'est-à-dire dans une des années les plus tristes du siècle, une des années où l'on a fait le plus de jeunes morts. Mais les plus jeunes, qui n'étaient pas à la guerre, eh bien, mon Dieu, ils allaient faire comme ça, parce que j'avais un jeune professeur de mathématiques qui remplaçait les hommes qui étaient au front, et que, parce qu'elle était très gentille, c'est la seule année où j'ai compris un peu de mathématiques. Et ça a fini par un voyage à Arles, où, ayant acheté Mireille, je me suis aperçu que cette langue bizarre, je pouvais très bien la comprendre. Il suffisait que, des yeux, elle passe à l'oreille, pour que ça soit exactement la même chose que ce que me racontaient les paysans dans la montagne Sevenol et quand une autre sarte des provinces dit les amours des Sazouvins. Je suis rentré dans cet enchantement. J'ai 70 ans, je n'en suis pas encore sorti. L'histoire. Ben c'est tout ça, hein. Nous y sommes depuis le début de l'émission. Je vous ramasse les balles que vous m'envoyez au filet ou au fond du cours comme je peux, mais tout ça, ça aurait pu être mis dans la rubrique de l'histoire. 17 ans, l'enfance, les ancêtres, les galères, etc. Tout ça, c'est l'histoire. L'histoire, c'est la richesse qui nous prolonge. Oui, c'est le vrai héritage. Le vrai héritage, c'est pas l'argent qu'on peut avoir de papa et de maman. Moi, le problème ne s'est pas posé pour moi. Mais comme j'ai été riche, par ailleurs, s'il n'y a pas eu d'héritage matériel, quel héritage spirituel ? Et Et quel plaisir de vivre au milieu de lui, chaque jour, ce qui ne vous empêche pas de vivre dans le présent et même dans le futur. Il n'y a que les imbéciles qui disent que le passé charge. Rien ne charge l'homme. Vous savez, je vous parlais du Provençal il y a quelques minutes. Il y a un dicton provençal qui n'est pas très distingué. Quand on mange, on dit tout à coup fait ventre. Tout cela fait ventre. Eh bien, tout ce qui vient du passé, du présent, ou qui préfigure le futur, pour l'homme, tout cela fait ventre. Le dialecte. Oui. C'est la chance de voir se créer une langue classique. C'est pour ça que j'aime le dialecte. Car au fond, tout langage est dialecte d'abord. Et il ne devient langue classique que dans la mesure et par la grâce des grands écrivains, et que dans la mesure où ces grands écrivains en font une langue classique. Bon, ne disons pas les choses qui courent les rues, Dante le Florentin, les poètes français des bords de Loire, etc., etc. Bon, tout ce que vous voudrez. Mais voilà, le dialecte, c'est un bourgeon, c'est un bouton. Et il y a promesse de fleurs. Toulouse-Lautrec. Hein? À la fois un éblouissement et une immense commisération. Ce qui me touche le plus chez Lautrec, et j'ai manié ces tableaux, vous savez, maintenant je suis détaché de ça, mais il y a eu une période de ma vie où ces doigts, que je mets devant le micro, là, en coupole, en coupelle plutôt, ces doigts ont tenu des Vermeer, des Rubens, des Toulouse-Lautrec, etc. Alors je sais ce que c'est que la splendeur de cette peinture. Mais je vois aussi ce que c'est que le terrible dénuement somptueux de cette âme. Et je pense surtout à la mort, quand il agonisait. Terrible. Oui. Les Cévennes. Ah, vous faites un petit peu là le télescope qui se ploie et déploie avec le Languedoc, vous comprenez? Le Languedoc, à l'intérieur il y a les Cévennes, et à l'intérieur il y a la Cévenne des Cévennes. C'est-à-dire le cœur, le donjon, le plus précieux, etc. Ça va entre le Mont Lozère et le Mont Aigoual. Oui, alors, naturellement ça tient. Toute la place que j'ai déjà donnée aux ancêtres, tout ça se tient. Mais vous avez choisi des mots qui me ramènent tous à moi-même. L'école des Chartres. Au fond, c'est devenu, oui, absolument lié à tout le reste. Et au fond, ce n'est qu'un accident. J'aurais pu faire autre chose. J'ai toujours, par exemple, été infiniment plus attiré par la connaissance de ce qui fait le médecin que par la connaissance de ce qui fait l'historien. C'est tellement vrai que quand j'étais étudiant, j'avais une chambre louée à côté de la chambre d'un ami, enfin deux chambres qui étaient plus ou moins communicantes, etc. Cet ami faisait sa médecine, il est parti dans la vie médecin et très fort en archéologie, et moi, je suis parti dans la vie chartiste, mais assez calé en pathologie interne et externe. Les Îles d'Or. Ah, ce sont des îles ou c'est un poème? C'est les deux. Oui, un poème. Non, c'est une gerbe de poèmes. C'est un des plus beaux recueils du Mistral. Et je dois dire que quand je vais aux Îles d'Or, ça m'arrive, l'été. Ça m'est arrivé souvent. Nous sommes allés là, passer un morceau d'été. Les Îles d'Or de Mistral, c'est quelque chose de tellement extraordinaire et tellement en or que ça ne rejoint pas les Îles d'Or. Mais enfin, c'est quand même elle. La vérité historique. Ouhou. Mon vieux maître, Monsieur Pou, disait que rien n'est historique et que tout est historique. Bon, ça c'est une première approche du problème. Il n'y a pas de fait historique, il n'y a pas de fait non historique. Tout est du domaine de l'histoire et au fond rien n'est du domaine de l'histoire parce que tout est du domaine de la vie. Quant à la vérité historique, c'est, pour un chartiste comme moi, comme on l'est dans ma famille, un objectif extrêmement précis. C'est l'exigence, c'est la recherche, c'est ce à quoi on doit arriver. Et mon Dieu, ce n'est pas si fréquent. Et je crois, à ce point de vue-là, que les livres que j'ai écrits et qui touchent à l'histoire, qui baignent dans l'histoire, ce que j'appelle le roman dans l'histoire. Et entre parenthèses, il me semble que c'est moi qui ai créé cette expression. Je serais content si jamais quelqu'un pouvait me dire « mais non, vous vous trompez ». Au XVIIe siècle, on a déjà employé un tel l'a écrit, reportez-vous, ou bien au XIXe, enfin je ne sais quoi. Mais ce que je crois, c'est que la vérité historique, c'est une chose que j'ai servie autant que je l'ai pu, et ni dans la Superbe, ni dans la Tour de Constance, je crois que je n'ai manqué au respect de cette vérité. Lamartine. Oui, je vois bien. Et si je me retourne vers la 17e année et celle qui l'entoure, la plus grande admiration. Un peu détaché. Après tout, ce que je préfère, peut-être maintenant, à l'heure actuelle, chez Lamartine, ça va être une impiété que je vais dire, c'est le poème que lui a consacré Mistral, pour le remercier de ce qu'il avait fait pour Mireille. Et ce poème, je ne le réciterai pas, il me faudrait un petit effort, mais il est toujours présent dans ma mémoire. Au divin Lamartine. Bon, oui, divin Lamartine. La peur. Oh là là, de quoi me parlez-vous ? La peur. Je la connais. Ah oui, je l'ai vue très bien, j'ai vécu avec elle. En particulier au temps des guerres. Nous savions fort bien ce que c'est. Et c'est une particulière très capricieuse, du reste. Je sens bien que, à certains jours, insensible, et à certains jours, dévasté de la tête aux pieds. Bon, et je crois que tous ceux qui ont quelquefois dans leur vie frôlé des choses dangereuses ou même terribles peuvent dire la même chose. C'est vraiment une des déesses les plus capricieuses qui accompagne notre existence. Le Rhône. Ah ben, j'ai vu quand même d'autres fleuves plus grands, mais pour moi c'est le plus grand des fleuves. L'angoisse. Ah, c'est pas la peur. Car la peur a un objet, vrai ou faux, mais il a un objet. La porte craque, elle s'entrouvre, il est 2h du matin, il n'y a personne derrière, mais j'imagine qu'il y a l'assassin, etc. J'ai peur. C'est pas de l'angoisse, ça. L'angoisse, je crois, c'est vraiment, si vous voulez, je dirais, oh, je ne sais pas si je suis d'accord, si j'enfonce des portes ouvertes, si je suis d'accord avec les psychologues. L'angoisse, c'est la peur sans objet. Ça n'en est pas plus drôle pour ça. Je dois être aussi angoissé. Accessible à la peur, de même qu'à son contraire, dont je n'ose même pas dire le nom. Accessible à l'angoisse, de même qu'à son contraire. Comment le définir ? La fermeté, la tranquillité d'âme, oui. Aussi bien à l'un et à l'autre. 7. C'est pas le chiffre, c'est la ville. Hein ? Si c'est le chiffre, d'accord. Parce que j'ai vécu avec lui, pythagoricien au moins dans cette mesure. Chiffre 7, d'accord. Et comme j'admire que Mistral ait mis 7 ans à faire chacune de ses grandes œuvres. Comme j'admire que ce chiffre 7 apparaisse comme bénéfice. Comme il me semble que même au cours de ma vie, les années 7 m'ont été des années bienveillantes, heureuses. Mais la ville 7, oh, je la prolonge et je dis Valérie. Alors vous voyez si les associations d'idées filent avec rapidité. Le dictionnaire. J'aime mieux m'en servir que le faire, car je le fais et je m'en sers. Vieillissant et connaissant mieux ma langue que je ne la connaissais jeune, j'ai plus d'appétit pour le dictionnaire. Je crois bien que j'ai écrit tous mes premiers livres sans jamais me servir du dictionnaire. Et à l'heure actuelle, je m'en sers beaucoup. C'est peut-être une contamination avec ce travail du dictionnaire que l'on fait à l'Académie et que je fais doublement, enfin, comme Tartarin avait double muscle, je crois. Je suis doublement dictionnarisé puisque je suis membre de la commission du dictionnaire. Ou on est 7, je crois, quelque chose comme ça. L'humour. J'ai cru longtemps que j'en étais complètement dénué. Je n'en suis plus très sûr maintenant. Ça m'agace parce que ça a besoin d'avoir les pieds tellement ailés que dès qu'il y a un peu de plomb, ça me met hors de moi. Mais vieillissant, je prends de plus en plus de respect à l'égard de cette position de l'esprit qui permet au fond, d'être en double position par rapport à quelque chose d'extérieur, un problème, un objet, une créature humaine, un événement, etc. Balzac. Grand. Et c'est pourtant pas, voyez-vous, c'est pas lié à ma jeunesse. J'ai peu lu Balzac étant jeune. Au fond, ma grande période balzacienne, ça a été le temps de l'occupation. Un moment où j'étais enfermé tout seul dans un château, où il y avait les 100 plus précieux tableaux, les plus grands chefs-d'œuvre de petite dimension du musée du Louvre, et où j'avais, dans la solitude où j'étais plongé, une collection complète de la Pléiade, et où je me suis rué là-dedans. J'en suis sorti avec l'angoisse, la peur et l'épouvante, car je n'y voyais plus. C'est une critique à l'égard de l'éditeur, c'est une critique aussi à l'égard de l'auteur de toute chose, qui fait que, à force de lire des petits caractères, un beau jour tout se brouille devant nos yeux. Mais comme je n'avais jamais été encore affecté par... J'avais des yeux au contraire très acérés et qui voyaient de très loin, je me suis imaginé qu'il m'arrivait quelque chose d'épouvantable. Je suis allé voir l'oculiste et il m'a dit « Monsieur, il faut que vous portiez des lunettes ». Ce n'était pas plus compliqué que cela. Henri IV. Le plus grand roi de France. Oui, sûrement. Et quel écrivain. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, mais... Messieurs, je suis le roi. Vous êtes français. L'ennemi est devant. Qui dit mieux? Ou bien, j'aime mieux régner sur un peuple un peu rebelle que sur des rangées de cadavres. Qui dit mieux aussi? C'est pas Louis XIV qui aurait dit ça. Alors salut Henri IV. Et en plus de ça, il parlait béarnais, c'est-à-dire une langue d'oc. Le cinéma. Oui. J'ai pas eu de chance avec lui. J'ai fait pas mal de films. Je devais faire même, au début de ma vie, on devait faire des grands films avec Kim Vidor, etc. Maintenant, depuis quelques années, on m'a souvent demandé si on ne pourrait pas tourner La Superbe. Hein, ça ferait un film. Oh oui, tout le monde est d'accord, ça ferait un film, un très grand film. Seulement, voilà, il est trop cher. Bon, alors, moi j'aime bien le cinéma, remarquez. Passion même, passion. Seulement, alors, je ne sais jamais, je ne peux pas être le spectateur pur, parce que après tout, chaque fois que j'en vois, je me dis, mais je pourrais en faire, j'en ai fait aussi, sans jamais de grande chance. Mais tout de même, pas si mal, Tabus, c'était pas si mal. Adeline Vénitien à la télévision, c'était pas si mal. L'écrivain. Alors quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on peut être d'autre? Heureusement qu'il n'y en a pas trop, parce que s'il y en avait une multiplicité, la vie ne serait guère plus vivable. Mais enfin, je conçois mal l'existence autrement que la plume à la main. Valmy. Oui. Ben, bien. Une des plus gentilles victoires. On y a tué peu de monde et on a changé beaucoup de choses. Tandis que quelquefois on tue énormément de monde et on ne change rien du tout. L'Académie française. Ça n'a pas été le rêve de ma jeunesse. Je crois bien qu'à... Bon, je sais pas. À 18 ans, je n'avais que des idées extrêmement vagues sur la réalité de cet organisme. À 35 ou 37 ans, il ne me serait jamais venu à l'idée de penser que je pourrais être un jour de cette compagnie. Je ne suis pas de ceux qui sont nés académiciens, je suis de ceux qui le sont devenus. La lecture. Oui. Ben, j'aurais beaucoup lu. Je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé à décider si j'étais un bon lecteur ou un mauvais lecteur. Je connais toutes mes faiblesses dans la lecture. Le court-circuitage, la vue de biais, le fait de ne pas être très adhérent à l'objet, etc. Mais je connais aussi mes qualités. Je sais faire très rapidement le tour d'une œuvre. Et voyez-vous, au fond, la lecture est aboutie chez moi, lorsque, et ça n'est valable que pour la poésie, lorsqu'elle s'intègre à ma mémoire. Quand je sais par cœur ce que j'ai lu, alors la lecture devient parfaite. Et je sais par cœur sans l'apprendre. Car s'il est question de l'apprendre, c'est tout autre chose, alors c'est de l'esclavage. Mais savoir, comme je sais par exemple énormément de vers, savoir simplement, parce qu'un poème vous plaît, par la grâce de ce plaisir, faire que, brusquement, la chose s'intègre à la mémoire. Alors là, la lecture est arrivée à son point le plus haut. L'arbre. Oui. Or, à un moment, je croyais que je n'aimais que les sapins, parce que c'était des arbres d'altitude. Mais en réalité, là encore, en vieillissant, je sens que j'aime à peu près tous les arbres. Et voyez-vous, ici, aux archives, où j'aurais passé 11 ans de ma vie, dans le jardin, là, ces magnifiques arbres, qui ont dû voir du reste. Mais oui, quand on pense, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les soubises, ils ont vu les ronds. Ce sont des arbres très vieux, immenses. Ce vernis du Japon qui est là, et qui du reste est un danger public, et qu'aucun directeur général des archives n'osera faire abattre parce qu'il est très beau, mais qui est un danger public. Il y a 2 ans, une tempête en a coupé une maîtresse branche, et mon Dieu, si on avait été en dessous, on aurait reçu je ne sais combien de kilos sur la tête. Mais tout ça est splendide. Montpellier. Mon Bachot. Oh, puis tout de même autre chose. La ville concurrente. Je suis fils de Nîmes. Et tout Montpelliérain considère Nîmes du coin de l'œil, et tout Nîmois considère Montpellier du coin de l'œil. Mais tout de même, Mon Bachot. Dans l'année 17, voyez-vous, vous me parliez de la 17e année. Cette année 17 a été au fond une année terrible. Et elle est liée au souvenir de Montpellier, au souvenir des mutineries, au souvenir, oh mon Dieu, des trains dans les gares. Je crois que c'est en gare d'Avignon qu'allant voir, hein, j'habitais Montpellier à ce moment-là, puisque j'y préparais mes bachots. J'ai, dans la gare d'Avignon, vu 3 trains qui se croisaient. Un régiment qui montait en renfort. Un train d'officiers qui descendait en permission. C'était bien leur droit, les malheureux. Et un train de blessés. Et tout d'un coup, il s'est élevé sous le dôme de la gare, qui est toujours le même, du reste. Car au fond, ce début du 19e siècle, ces années 10 à 20, leur décor est toujours planté. Les gares en particulier sont à peu près, sauf celles qui ont été détruites, les mêmes. Mais il s'est élevé une immense clameur. Et cette clameur criait « la boucherie, la boucherie, la boucherie », etc. Et j'ai vu ça aussi à Montpellier. Tout ça est lié et confus, du reste, dans la mémoire, à des souvenirs assez tragiques. La tour de Constance. Bon, mon dernier livre, si cet air vous dit quelque chose, vous auriez tort de vous gêner. Je dois dire que je suis ravi de la réaction de ceux qui lisent La Tour de Constance. La Tour de Constance, oui. Barrès l'avait un peu kidnappé, hein. Seulement, tout de même, un aristocrate et un personnage qui s'était peu inquiété de savoir quelle souffrance réelle avait habité cette maison. Je pense, je me dis, j'ai beaucoup admiré Barrès, je me dis s'il était toujours vivant, et s'il lisait La Tour de Constance, quelle serait sa réaction? Car je vois beaucoup de gens qui me disent, ah, je viens de dire La Tour. Ordinairement, le mot qu'on me dit, c'est bouleversant. C'est vraiment, vous auriez pu le mettre bouleversant parmi les mots. Les gens me disent, c'est bouleversant. Bon, je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Est-ce que Barrès m'aurait dit, c'est bouleversant, je ne savais pas que ça s'était passé comme ça? Et Bérénice et l'adversaire, là-haut, au sommet, ils auraient pu dire autre chose que ce qu'ils ont dit. Bon, voilà. Enfin, cette tour de Constance, ça a été aussi pour moi, alors, sur le plan de l'écrivain, de l'homme devant sa table, pendant 3 ans, un travail très, très dur. Vivre 3 ans avec 200 créatures humaines enfermées dans ce sépulcre aérien, comme j'appelle la tour, ce n'est pas une petite expérience. C'est une grande expérience. La poésie. Oh, naturellement. À 17 ans, là encore. Vous m'avez jeté les 17 ans dans la tête. À 17 ans, je veux être poète ou rien, naturellement. Et puis alors, à 22 ans, on s'aperçoit tout d'un coup qu'on n'est pas le grand poète qu'on croyait. Et peut-être, que ce n'est pas possible d'être un grand poète à l'heure actuelle. Dans l'état de mûrissement de la langue, d'évolution de la langue, d'évolution des idées. Oui, pas possible. Ni Victor Hugo, ni Alfred de Vigny, etc. Vous me direz qu'on peut être autre chose et que certains l'ont fait la preuve. Mais on n'en a peut-être pas envie. On reste un an et demi sans écrire et puis on se réveille, prosateur et romancier. Et la poésie est toujours là. La Saint-Barthélemy. Un de mes confrères de l'Académie, plein d'esprit, a l'habitude quelquefois, lorsque j'arrive, de dire « La Saint-Barthélemy a été bien mal faite, il en reste, et l'on me désigne. » Je ne raconte cela que parce que c'est un charmant confrère qui m'aime beaucoup et qui ne pense pas un seul mot de ce qu'il dit. Mais vous voyez, c'est drôle. Les choses les plus tragiques peuvent devenir drôles dans la perspective. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un justiciable à la Saint-Barthélemy. Il fallait être parisien, ou de quelques rares grandes villes de province où le massacre s'est étendu. On n'a pas massacré les gens de mes montagnes à ce moment-là. On nous a massacrés plus tard. Mais, alors, depuis que je suis directeur des archives, quand nous rentrons, ma femme et moi, tard, 11h, 11h30, minuit, minuit et demi, 1h, et que je traverse la grande cour de Soubise, avec au fond, à gauche, le palais des Guises, ce qu'il en reste. Je sais que c'est là que les tueurs se sont rassemblés. Et tout le temps, je me dis, et si le temps n'existait pas, si ces 4 siècles se trouvaient rayés d'un seul coup, et que remontant la machine, je me trouve nez à nez avec ces bons hommes, qui du reste, à l'heure actuelle, ils se tromperaient bien. Car au fond, quoi, qu'est-ce que c'était pour eux le protestant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, comme ils se tromperaient à l'heure actuelle, comme les dagues et les poignards s'enfonceraient là où il ne convenait pas qu'ils s'enfoncent. L'homme. Oui, oui, ça nous aura occupé toute la vie. Ça nous aura occupé toute la vie avec l'idée que, à partir d'un certain moment, c'est un thème, c'est une thématique qui devient abusive et qu'il faut essayer de ne pas se laisser trop prendre par l'homme, par l'humanisme, par l'humanité, etc. Mais tout ça, c'est simplement, vous savez, comme quand on abuse des sucreries. Elles sont excellentes en elles-mêmes, pâtisseries, sucreries, n'en prenez pas trop. Eh bien, le souci de l'homme, c'est la même chose. Mais on y revient toujours. La liberté. Ah, chérie, oui. J'aime les Grecs. Je te connais au tranchant du couteau. C'est l'hymne national grec. Oui, je te connais au tranchant du couteau. C'est vrai qu'on la connaît au tranchant du couteau. Et c'est à la fois grandiose et triste. Oui. Je crois que ça aura été une des choses que j'aurais le plus chéri, le plus cherché, le plus désiré dans ma vie. Je crois que si mon œuvre veut dire quelque chose, en définitive, c'est l'œuvre d'un homme qui cherche la liberté. Et alors, comme j'aime la liberté, comme je crois l'avoir servie, comme je crois même, oui, l'avoir servie, où il y a quelques mérites à la servir, je hais toutes les fausses libertés, et en particulier dans l'époque contemporaine, toutes ces clameurs qui réclament des choses qui ne sont pas la liberté. Vous savez, je le dis dans la préface de La Tour de Constance, la liberté de conscience et la liberté de penser, c'est la liberté des libertés. C'est le grand miroir dans lequel l'homme peut se mirer tout entier. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a foutu le miroir par terre, qui s'est cassé en 1000 morceaux, et que, comme les petits singes, vous savez, qui s'amusent, ils ramassent un tout petit morceau du miroir, ils crient, oh, la liberté sexuelle, etc., la liberté de se droguer, la liberté de n'importe quoi. Alors ça, j'aime trop la liberté pour aimer ces petits amants de la liberté mutilée. Le paysan. Oui. Il y a un mot de Nietzsche que j'ai mis en épigraphe à un de mes livres. Le paysan, le meilleur, celui qui dominera la terre, etc. Non, c'est pas vrai. Alors là, bouleversé, quelquefois des émissions à la télé qui nous montrent l'évolution de la vie paysanne, cette industrialisation. Virgile, passé à l'informatique. Non, j'aime mieux ne pas en parler. Je crois tout de même. Heureusement, les limites de notre vie ne sont pas telles. Nous ne vivons pas 1000 ans, comme le rêve d'Hitler. Heureusement. Et il restera encore des paysans jusqu'à le temps que je serai sur la terre. Versailles. Ah. Versailles a été dans ma vie un accident, un grand accident. Jeune chartiste à la recherche d'un poste, à une époque où les jeunes gens n'avaient pas droit à un poste. On leur donnait si on pouvait, si on voulait. Il s'est trouvé que Versailles est passé dans le champ de mes possibilités. Et je suis devenu, j'ai commencé ma carrière comme conservateur de Versailles. J'étais un peu dérouté du reste. J'étais médiéviste, plutôt que historien de l'époque moderne. J'étais un peu gêné. Bien des choses m'auraient paru de plein pied. Il y avait les trois marches de marbre rose à monter, vous comprenez. Mais il y a une chose qui m'a exorcisé. Très bien. C'est Donolac, qui à ce moment-là était à la retraite, mais que je suis allé voir, et qui m'a fait l'accueil de l'aîné. Bienveillant. Il était à la fois érudit et poète. Et il m'a dit, mais c'est votre place, vous êtes... Mais je lui disais, vous savez, je suis beaucoup plus ferré en histoire du Moyen-Âge. Oh, il me dit, la belle histoire, on apprend tout dans la vie. Et c'est vrai, tous les hommes bien que j'ai connus disaient tous, oh, spécialité, c'est bien. Seulement, on peut devenir spécialiste de n'importe quoi, il s'agit de s'y coller. Aquin, par exemple, qui était conservateur du musée Guimet, voulait à un moment me prendre avec lui. Mais je lui disais, moi, je suis pas orientaliste. La belle blague, il me dit, dans 4 ans, vous en saurez autant que moi. C'était sûrement pas vrai. Mais il y a quand même une vérité au fond de ça. Alors Versailles, oui, ça a été ça. Oh, je ne vous dirai pas que, de même que je pense au tueur de la Saint-Barthélemy, lorsque je rentre aux archives nationales à cause du palais des Guises, je n'ai pas pensé au démêlé de Louis XIV et de mon petit peuple à Versailles. Mais c'était pas une revanche, vous savez. C'est normal, après tout ça. C'est pas de ma faute si la France est ce qu'elle est, avec toutes ses contradictions, avec toutes ses grandeurs, avec toutes ces choses qui, ennemies d'abord, s'intègrent les unes aux autres. Les Cathares. Ah, je suis pour seulement. Les Cathares, de quoi parlions-nous tout à l'heure, l'homme? Il faut pas trop en mettre non plus. Et puis on a dit beaucoup de sottises. Je viens de lire un livre, du reste, qu'on m'a envoyé ces jours-ci, qui s'appelle L'épopée cathare, qui ne prétend pas à l'érudition de première main, à la découverte, mais qui remet bien des choses au point. Vous comprenez? Il y a un tas d'expressions, par exemple l'Occitanie et les Cathares. C'est un dialecte contemporain de nous, mais pas des gens qui l'ont vécu. Ça se disait autrement, ça se pensait autrement. Quand je pense qu'on a vu un film qui du reste avait des vertus et dans lequel on entendait les soldats méridionaux prêts à combattre les barons du Nord qui criaient « Vive l'Occitanie !» C'est une immense rigolade, ils n'ont jamais crié « Vive l'Occitanie !» mais ils criaient quelque chose d'à peu près semblable et de beaucoup plus beau. Ils criaient « Toulouse et Avignon !» Courbet. Oui, oh, ben, vous les choisissez, hein, celui-là. Alors là, celui-là, quand j'ai été conservateur du Petit Palais, ça a été peut-être un des peintres. Je ne dis pas c'est le plus grand peintre que j'ai fréquenté. Il y a des peintres plus grands que ça. Velázquez est plus grand, Pierrot est plus grand, beaucoup sont plus grands. Mais dans l'ordre de mon admiration immédiate, charnel, viscéral, c'était un des plus proches de moi. Vous savez, ce Courbet qui disait « Un tel est en Italie, n'a donc pas de pays », n'est-ce pas? Bon, je suis capable de dire ou de penser ça. Un tel n'est pas en Cévennes, enfin, un tel est allé se balader ailleurs que dans son pays, les Cévennes ou la Provence ou l'Armorique, etc. Il n'a donc pas de pays. J'ai eu une espèce de complicité. Et je dois dire qu'aussi, j'ai passé des grandes fureurs. Dire que chez les conservateurs de musées bien pensants, il était admis que c'était un grand peintre, mais également un imbécile. Le génie et l'imbécilité jumelés, ça donne tout de même quelque chose qui ne s'appelle plus l'imbécilité. Sûrement pas un imbécile, et sûrement un très grand peintre. et une sensibilité sur l'homme, sur la créature humaine, sur les choses de la nature, extraordinaire. Enfin oui, Courbet, bonjour monsieur Courbet. L'Aigoual. Ah, l'Horeb, le Sinaï, etc., naturellement. Oui, cette montagne, après tout, assez modeste, et qui a été le banc d'essai de tout ce que j'ai pensé dans ma jeunesse et dans mon enfance, qui a été la grande belle chose qui préfigurait tout ce qui devait venir après, et qui est, oui, vous savez, Vigny fait dire, puisque du monde Horeb jusqu'au monde est beau, je n'ai pas pu trouver le lieu de mon tombeau, eh ben moi c'est le contraire, j'espère bien qu'il est trouvé. C'était André Chanson, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois, le 6 octobre 1971, sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.